de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, WikiLeaks, c'est notre invité Yves Eudes. Bonjour. Bonjour. Vous avez été journaliste au Monde pendant 31 ans et pendant 15 ans grand reporter. Vous êtes un spécialiste des États-Unis et des nouvelles technologies. Vous avez été aussi producteur et réalisateur de documentaires pour la télé. Et vous avez travaillé avec WikiLeaks et vous avez rencontré Julian Assange. Je rappelle, pour que les auditeurs aient le repère, que Julian Assange a été arrêté par la police britannique il y a 3 semaines. Le 11 avril. 11 avril. Et qu'il a été condamné ce matin à un an, presque un an de prison. 50 semaines pour ne pas avoir respecté les conditions de sa liberté conditionnelle, justement. Et il est maintenant sous la menace, évidemment, d'une extradition vers les États-Unis pour piratage informatique. Alors, l'intitulé paraît comme ça, pas très grave, mais évidemment, il risque gros. Qu'est-ce qu'il risque ? Alors déjà, c'est vrai qu'on est en pleine actualité, parce qu'il y a deux procédures parallèles. Il y a ce matin, il a été condamné donc à 50 semaines, ce qui est pratiquement la peine maximale. Et il faut savoir, c'est assez rare que la justice britannique donne la peine maximale pour ce genre de délit. Donc on voit bien qu'il a un traitement spécial. Ouais. On dit c'est injusticiable comme les autres. En fait, on a l'impression que depuis le début, la justice britannique est extrêmement sévère à son égard. Et alors demain, il y a une autre procédure qui est déclenchée. C'est la justice britannique commence à examiner la demande d'extradition déposée par les États-Unis, qui veulent le récupérer. Donc ça va certainement être une longue procédure, mais grâce, si j'ose dire, à la condamnation de ce matin, on sait qu'il va rester en prison pendant un certain nombre de mois, peut-être un an, on ne sait pas, et que donc il sera entièrement à la disposition de la police et de la justice britannique si on décide de l'extrader. Donc là, pour lui, chaque jour, la situation empire. Et demain, je pense que ça va être juste une première audience. Je crois que c'est des audiences qui... Le prévenu n'est même pas là. Mmh. C'est-à-dire que c'est des audiences qui se font par visioconférence entre la prison et le tribunal. C'est un système complètement déshumanisé, on ne peut pas vraiment se défendre. Mais ce qui est sûr, c'est que... Ses partisans, les militants et surtout ses avocats vont faire en sorte que la procédure d'extradition soit la plus longue possible. Donc, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les choses empirent de jour en jour. Alors, Le Monde a été l'un des premiers journaux à collaborer avec WikiLeaks. Vous, votre regard sur cette nouvelle façon de donner de l'information et de la récupérer, quel était-il dès le début? Qu'est-ce que vous avez pensé? Il y a évidemment qu'il y avait beaucoup de journalistes méfiants, d'autres qui l'étaient moins, qui ont vu l'utilité de la chose. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Julian Assange dès 2010. Oui. Il faut savoir qu'à l'époque, 2009-2010, j'étais beaucoup en Californie pour couvrir différentes choses, Silicon Valley, mais aussi les hackers de San Francisco et tout ça. Et ce sont ces hackers qui, dès 2009, ont commencé à me parler de Julian Assange. On me dit, il faut absolument que tu rencontres ce type, un Australien, là, il est incroyable. Bon, et les choses ont traîné un peu. Moi, je suivais ce que faisait Assange, mais de loin, comme ça. Et c'est seulement en avril 2010, juste après qu'il ait diffusé cette fameuse vidéo, la Collateral Murder sur l'Irak. C'était à Berkeley. Et à l'époque, c'était l'âge d'or de WikiLeaks. Quand j'ai rencontré, on s'était donné à vous dans un bistrot, un bar à café. À Berkeley, il faisait beau, il avait 38 ans, il était en pleine forme, c'était un homme à l'époque, enfin, l'impression qu'il donnait, c'était d'être assez joyeux, insouciant, très optimiste, déjà un peu arrogant, mais une arrogance un peu naïve, l'impression qu'il allait changer le monde, en fait, en douceur, grâce à Internet. C'est ça, de sa mission, il avait une très haute idée, missionnaire au niveau de la planète, en fait, c'est ça. Voilà. Là, à l'époque, il était invité par l'université de Berkeley, comme une espèce de star universitaire, Il y a un groupe de professeurs de Berkeley s'apprêtait à lui décerner un prix honorifique universitaire pour la qualité de son travail journalistique. Donc, il était au firmament et commencé, ça n'a pas duré. Donc, et comme ça, c'est là que je l'ai rencontré. On a parlé de choses et d'autres pendant... On a eu Au départ, c'était une conversation qui devait durer 30 minutes. Finalement, il m'a tenu jusqu'à, je sais pas, 1h du matin. Il continue à me parler de tout dans le parking, alors que moi, j'essayais de rentrer pour me coucher. Et c'est là, juste à la fin, qu'il m'a dit, ah, mais il y a aussi... Il a complètement changé de registre. Il a dit, on a aussi, j'ai aussi un gros, une grosse masse de documents explosifs. Il m'a donné aucun détail. Il m'a dit, mais pour ça, j'ai besoin des grands médias, des médias classiques. Et je t'en reparlerai. Parce que quel était son regard sur l'information, puisqu'il est passé par cette méthode qui consiste à collecter des informations venues de l'intérieur et des différents intérieurs dont on s'occupe. Quel regard il avait sur la presse? Il se disait la presse n'est pas suffisante. Nous, on a plus d'infos, mais on a besoin de la presse comme un filtre quand même. C'était ça? Alors au tout début, si j'ai bien compris, l'idée pour les gens comme Julien Assange et toute la génération de des hackers des années 90, lui, toute sa pensée et sa pratique se sont forgées comme dans la première génération des vrais militants libertaires de l'internet et des hackers. Lui, il pensait que il allait remplacer les vieux médias au début, parce que grâce à la puissance de l'internet, la capacité d'un homme seul comme lui ou un tout petit groupe de créer un site internet qui serait accessible directement du monde entier. Avec toutes aussi, les infos qu'on n'avait pas avant, voilà. Et aussi la capacité maintenant des lanceurs d'alerte de s'adresser directement aux diffuseurs. Un des plus grandes transformations qu'Internet a apporté, ou l'informatique en général, c'est qu'avant, du temps, je sais pas, des Pentagon Papers, par exemple, pour voler des documents, les lanceurs d'alerte avait des problèmes logistiques monstrueux, fallait je sais pas faire des photocopies ou avoir des pas valises de documents, c'était sûr. Impossible. Mmh. Avec l'informatique maintenant, une disquette ou une clé USB, on peut télécharger d'un seul coup des millions et des millions de pages de documents confidentiels et les mettre sur Internet. Donc c'est cette révolution technique complète qui a un peu changé les rapports de force entre, si on peut dire, les lanceurs d'alerte et puis les administrations et les entreprises. Et Julien Assange, lui, s'est engouffré dans cette nouvelle brèche avec une ambition extrême. C'est-à-dire, voilà, on invente une nouvelle forme de journalisme, le journalisme direct. Ouais. Et sa première idée, c'était de publier le maximum de documents sans les éditer, même s'il y avait des dommages collatéraux. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'il s'est aperçu que c'était pas... ça suffisait pas, ou que la situation n'était pas mûre, si on peut dire. Alors vous, il faut être deux pour ça, pour que ce soit un mur et pour une collaboration. Vous, au Monde, racontez-moi comment, à partir de ça, vous avez décidé de travailler avec Wikileaks et Assange, et pourquoi et comment? Ben moi, quand je suis revenu de cette première entrevue à Berkeley, j'en ai parlé à mes chefs, qui ont dit, ah ouais, mais continue, suis-le, voilà, etc. Bon, ça a été un peu long et compliqué parce que je faisais d'autres choses par ailleurs. Mais je l'ai revu, donc, à l'automne 2010, à Londres, cette fois-ci. Après, moi, j'étais passé aussi par Reykjavik, Berlin, etc. Mais là, la vraie entrevue, ça a eu lieu à Londres. Et là, donc, on a mis en place un système très complexe, où il y avait 5 grands journaux, donc Le Guardian, Der Spiegel, New York Times, Le Monde et El País, et qui devaient travailler en partenariat, en collaboration complète, tout partagé. Un consortium, quoi, voilà, de journalistes. Quelque chose de très, qui au départ devait être complètement open, transparent, etc. Et avec ce sixième personnage, Wikileaks, qui se présentait comme un partenaire, mais en fait, très vite, Julien Assange, c'est un homme, comme vous l'avez dit, qui est investi d'une mission, qui est un peu mégalo. On peut pas être... pour se lancer dans des aventures aussi énormes, il faut être un peu mégalo. Et donc, il a cru à un moment qu'il allait pouvoir être le chef de ce consortium. Ouais. Voilà. Diriger un peu tout le monde, ouais, donner des ordres au New York Times et au Monde, etc. Et du coup, les relations sont devenues un peu compliquées. Mais alors, curieusement, il s'est passé quelque chose qui était totalement imprévu, c'est qu'à cause de la procédure suédoise où il était accusé de viol, accusé d'agression, d'abus sexuel, très compliqué. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé puisqu'il n'y a jamais eu vraiment d'enquête. Il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit officiellement. Il n'a jamais été inculpé. Donc on ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que en plein milieu de la divulgation du câble Gate, là, des documents diplomatiques. Il a disparu parce qu'il a été mis en prison. Ouais. Et donc, on a continué sans lui, de facto. Ben oui, bien sûr. Et ça donc, montré... ça a simplifié un peu oui, le... Oui, ça lui a montré qu'on pouvait aussi faire sans lui. Avec oui, lui non, d'abord, mais, avec pas lui d'abord, mais c'est vrai mais que c'est... pas qu'avec lui. Quoi. C'est vrai voilà. que c'est grâce à lui. C'est lui qui avait réuni tous les documents du lanceur d'alerte principal Bradley Manning, enfin Chelsea Manning aujourd'hui, et qui nous avait donné tout de façon très cash au début. Quoi. Il a tout donné. Il a pas essayé d'en garder des bouts pour lui, etc. Et on a quand même pu travailler avec lui par la suite. Après il y a eu Guantanamo et tout. Moi, je l'ai vu entre 2010 et 2013. Moi, j'ai dû le rencontrer 7 ou 8 fois, je pense, à chaque fois pour des vraies réunions de travail. Alors, on va écouter un reportage ensemble, donc diffusé en septembre 2015, lors de la première diffusion de ce récit. Notre reporter Gaylor Van Wimersch avait rencontré les deux principaux lanceurs d'alerte français qui, en 2008, ont révélé l'ampleur de l'évasion fiscale dans les banques suisses. Il s'agit de deux anciens employés de ces banques, Hervé Falciani, ex-informaticien dans la filiale suisse de la banque HSBC, et Stéphanie Gibault, ex-employée de la banque suisse UBS. Dites les lanceurs d'alerte. On se trouve à la fête de l'humanité, au parc de la Courneuve, au nord de Paris. Et aujourd'hui, dimanche 13 septembre, se tient dans l'Agora de l'humanité un débat intitulé « Vive les lanceurs d'alerte ». Mais je voudrais faire référence aussi à deux personnes. Agora de l'humanité. Lanceurs d'alerte, il y a un qui est réfugié à l'ambassade d'Équateur en Angleterre depuis 2 ou 3 ans. Merci monsieur, parce que justement on a écrit à monsieur François Hollande, président de la République, pour demander de réétudier les cas de Julian Assange. On est avec vous Stéphanie Gibault, vous êtes ex-salarié de la banque suisse UBS et vous êtes devenu en 2008 ce qu'on appelle un lanceur. Et pour vous, une lanceuse d'alerte, je ne sais pas si on peut le dire au féminin. Oui, c'est a priori ce qu'on dit, une lanceuse d'alerte. Moi, je dis surtout que je suis témoin d'un dysfonctionnement. Je suis aussi victime de ça, parce que le fait de l'avoir dénoncé, ça m'a coûté tout ce qui fait la vie d'un collaborateur, d'un cadre, c'est-à-dire privé d'emploi. Vous ne travaillez plus. Moi, je ne travaille plus depuis que j'étais licenciée de la banque. Vous étiez à l'époque responsable du marketing chez UBS et vous avez révélé le système et le fonctionnement de l'évasion fiscale de cette banque. Évasion fiscale et blanchiment d'argent en bande organisée, oui. Et si je vous dis Julian Assange ? Ah, alors j'ai rencontré Julian Assange à l'ambassade d'Équateur à Londres vendredi de la semaine dernière. On a passé 3 heures ensemble. C'est the king, c'est the boss, Julian Assange. The king. Bon, enfin, c'est clair que lui, il a la situation la plus critique. Tout le monde, tous les lanceurs d'alerte ont des situations particulièrement critiques. Tout à l'heure, j'entendais parler de Edward Snowden, qui est nommé avec Antoine Deltour pour le prix Sakharov européen. Antoine qui risque quelques années de prison avec l'affaire LuxLeaks. Edward Snowden qui est en asile à Moscou. C'est des vies très difficiles qu'on a là. Moi, dans mon histoire, j'ai de la chance de ne pas être en Suisse. Si j'étais en Suisse, je serais en prison, par définition. Il serait peut-être temps de se poser les vraies questions. C'est-à-dire, au lieu de nous attaquer, nous, et les garçons, on les a assez attaqués sur leur personnalité ou autre chose, arrêtons, quoi. Vraiment, arrêtons qu'on se penche quand même sur les éléments, sur les informations qu'on a été capable de transmettre à la justice. Et que les coupables soient punis. Parce que vous voyez bien qu'il n'y a aucun dirigeant de banque ne va en prison. Alors, vous qui avez rencontré Julian Assange très récemment à l'ambassade d'Équateur à Londres, comment va-t-il ? Alors, il n'a pas le droit de quitter l'ambassade. Il voit à peine la lumière du jour. C'est comme vivre à l'intérieur d'une prison, en plein cœur de Londres, à côté de chez Harrods. Vous avez 4 flics anglais qui sont là et qui se relayent 24 heures sur 24. Ça coûte une fortune aux contribuables britanniques. Moi, j'avais beau dire que je venais juste à l'ambassade d'Équateur. J'étais obligée, à un moment donné, de dire que j'avais rendez-vous avec M. Assange. Et forcément, il y a une note qui a été prise sur un petit cahier. On enregistre votre nom. Mais de toute façon, on sait que tout ce qu'on fait... Il y a des traces, on nous suit, en tout cas moi depuis que je suis dans mes procédures avec UBS depuis 2008, mon téléphone est hacké, mes mails sont lus, mes conversations sont écoutées, mes textos sont enregistrés. Voilà, si on nous fait ça, c'est bien qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui dérange vraiment. Dernière question, vous Stéphanie Gibault, comment allez-vous ? Ça dépend des jours, je travaille beaucoup pour éviter de penser. On leur dit vive les lanceurs d'alerte ou pas ? Vive les lanceurs d'alerte ! Hervé Falciani, ancien employé d'HSBC Private Bank à Genève, aujourd'hui à la fête de l'UMA, pour justement parler de ce qui est connu sous le nom de l'affaire Swissleak. Vous êtes un ancien banquier. Vous êtes ce qu'on appelle également un lanceur d'alerte. Ça, vous l'êtes devenu depuis 2009, car vous avez révélé une liste, un listing, de 130 000 personnes qui étaient des évadés fiscaux. Il faut comprendre que l'encryption, les systèmes de Wikileaks protègent Assange, protègent les personnes qui lui transmettent les informations sensibles. Parce que les informations sont codées. Et de la même façon, l'information n'est utile que partagée, sinon c'est le secret. Prenons le cas simple, voilà, le secret bancaire peut permettre de cacher l'argent de politique derrière des trusts et des prête-noms. On connaît le cas Cahuzac. Dans ce cas-là, il faut révéler le secret. Et puis après, en contrepartie, il faut protéger nos libertés individuelles. Et donc il faut dénoncer ceux qui entravent le respect de nos libertés individuelles. Et c'est l'action d'un Assange. Alors, il y a eu un article sur vous dans un grand quotidien national, Le Monde, qui vous dépeignait de manière assez négative comme un affabulateur avec une double personnalité. Si cet article, ce que vous en retirez, c'est que vous aurez un doute sur moi, très bien. Ce qui prévaudra, à mon sens, toujours, c'est l'intérêt général. Donc, peu importe de savoir si Hervé Falciani ou quelqu'un comme Assange sont des affabulateurs, ou même peu importe de savoir si Julian Assange est réellement un violeur, ce qui lui est reproché par la justice suédoise, pourvu que l'intérêt général soit défendu derrière. Oui, on peut même envisager qu'il soit un violeur et qu'il rende un service à la communauté, et qu'il paye pour le fait d'être un violeur, et qu'il soit protégé pour ceux qui l'amènent à la communauté. La mafia tue deux fois. Ça, c'était un juge, Juge Falcone, qui disait ça. Une fois physiquement et une fois moralement, en discréditant la personne. Et la mafia, malheureusement, c'est ceux qui essayent de cacher justement les éléments qui établissent que l'intérêt commun pourrait être amélioré. Et donc, pour les nommer, les États, le monde de la finance ? Ça peut être aussi des journalistes. Là, c'était en 2015, donc il a encore fait référence à les soupçons en Suède, mais ça, c'est réglé. La question qu'on doit se poser, nous, c'est vrai que le journalisme est à la croisée des chemins avec l'arrivée d'Internet. La vraie question qu'on doit se poser, je crois, c'est qu'est-ce que le public, hein, parce qu'on travaille pour le public, pas pour nous-mêmes, gagne avec cette nouvelle méthode, c'est-à-dire que du journalisme et des sources qui viennent de Wikileaks, notamment une collaboration. Ben, la méthode, en principe, elle est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, comme je disais tout à l'heure, c'est que maintenant les lanceurs d'alerte peuvent subtiliser ou s'approprier des masses absolument gigantesques de documents. Et donc, ça permet aux journalistes en aval de travailler de façon beaucoup plus concrète, beaucoup plus efficace et exhaustive. On a vu, maintenant, c'est passé dans la pratique courante des journalistes, y compris ici à France Inter, il y a une cellule d'investigation. Une cellule d'investigation qui travaille comme les ça. Les gens aussi, qui travaillent maintenant, travaillent sur les Panama Papers, les SwissLeaks dont on a entendu parler, ou les LuxLeaks, ou que ce soit Assange. Voilà, c'est ça, c'est cette l'informatique d'un côté. Elle a toutes sortes d'implications en matière de surveillance de masse, etc. Mais par ailleurs, elle donne aussi un nouveau pouvoir aux citoyens ou aux militants et activistes comme Assange face aux États. Et c'est ça qui est important maintenant. Alors, on parle beaucoup de la personnalité de Julian Assange. Bon, c'est un être complexe, etc. Alors, est-ce que c'est un homme pur et parfait? Non, bien sûr que non. Mais c'est pas le propos. C'est ce que disait le reporter tout à l'heure. C'est l'intérêt général. Voilà, il a, comme vous et moi, il a ses défauts, ses problèmes. Il a fait des choix discutables. Il a eu des comportements des fois, répréhensibles. Mais le problème n'est plus là du tout. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave, c'est que maintenant des États démocratiques comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne veulent, à travers Assange, attaquer Wikileaks, qui est malgré tout quand même un site d'information, qui travaille d'une façon qui n'est pas si éloignée de la façon dont travaillent les cellules d'investigation des grands médias. Et donc là, ça c'est extrêmement grave, parce que ça peut créer un précédent. Et on est tous menacés, tous les journalistes d'investigation sont menacés si les États-Unis parviennent à détruire Wikileaks. Ce système de répression est vieux comme le monde. D'abord, on s'attaque à des gens qui sont exceptionnels, hors normes, bizarres, et l'opinion publique dit « bon, ben ceux-là, ils l'ont bien cherché ». Mais derrière, on peut à nouveau ensuite s'attaquer à un public beaucoup plus large. Donc c'est une valeur absolue pour le public, et c'est une valeur ajoutée au journalisme. Mais bien entendu. Merci infiniment, Yves, de vos éclairages. Merci, au revoir. C'est moi, merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire WikiLeaks et les lanceurs d'alerte, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour des commentaires et des informations complémentaires à notre émission. Merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui.